Chapitre 7e. Le bonheur est un gibier difficile. Cependant, le temps marchait. Depuis les événements de la tilleuse, depuis la nuit fatale où le crime du calvaire du bois de Fontenay fut commis, depuis l'incendie de la tilleuse, la ferme du père Porfilet, lentement, les années s'étaient ajoutées aux années. Plus de 9 ans avaient passé. Le gamin qui se prêtait docilement autrefois à l'illusion de la démente, Fernand, qui se laissait appeler Paulette, écoutait la chanson des 3 petits-enfants s'en allant glaner au champ, n'était déjà plus un solide et vif lycéen. Il venait maintenant en Rabenel dans son uniforme de Saint-Cyrien. Fernand avait 20 ans, c'était un homme, un soldat, un futur officier. En le voyant grand et beau, Madeleine, qui le chérissait toujours beaucoup, qui parfois, avec un triste sourire, l'appelait ma Paulette, Madeleine pensait à sa chère absente, à la disparue, à l'enfant volé. Paulette aurait à présent 15 ans. Ce serait une jeune fille. J'aurais donc été privé de ses baisers d'enfant. Je ne l'aurais pas vu grandir. Je ne l'aurais pas eu à moi. Je n'aurais pas pu la faire mienne, l'élever à mon idée, selon mon cœur. Oh, si nous la retrouvons jamais, comment la retrouverons-nous? Élevée comment? Avec quelles habitudes? Quel vice, peut-être? Retrouverons-nous une Paulette rappelant ma Paulette enfant? Ou une Paulette qui sera si grandement différente de la mienne, de celle que je cherche, que j'espère qu'il me sera presque impossible de reconnaître en cette malheureuse ma fille? C'était là une des terreurs, des angoisses qui assaillaient la mère. Comment serait sa fille quand elle la reverrait, après tant d'années, si même elle la revoyait? Parfois elle disait à Maître Thirion, « Peut-être, mon ami, vaudrait-il mieux que j'apprenne sa mort, que je ne la revoie jamais. » Le jeune avocat s'écrie alors, « Oh, madame, ne blasphémez pas, ne dites pas cela. Il faut tout espérer de la miséricorde céleste. Il faut espérer que, quand vous retrouverez votre Paulette, ce sera une Paulette telle que sa mère éprouvera à la revoir une si grande joie que les souffrances de l'absence, du long temps des recherches, seront aussitôt oubliées. Ce sera une Paulette douce et jolie, la digne fille de Madeleine, une Paulette telle qu'en vous voyant elle vous appellera aussitôt maman, telle qu'en l'apercevant seulement vous écrirez « Ma fille, c'est ma Paulette ». Madeleine pensait aussi en voyant Fernand, si beau garçon dans son uniforme de Saint-Cyrien. Il a 20 ans, Paulette 15, comme il y aurait du bonheur encore ici-bas si Dieu voulait, du bonheur, du vrai, celui qui vient du cœur, du bonheur d'amour. Bonheur d'amour, c'est loin. Malheur d'amour, c'est près. Oui, il aurait pu fleurir au Rabenel du bonheur d'amour sans attendre l'époque incertaine où Paulette et Fernand pourraient se rencontrer, s'ils se devaient jamais rencontrer. Sans attendre un temps qui ne viendra peut-être pas, il aurait pu y avoir du bonheur d'amour au Rabenel, tout de suite, maintenant. Celui que Madeleine appelait son ami Jacques, le capitaine d'Almay, il était maintenant capitaine, revint en Europe avec un congé d'assez longue durée, après être resté jusque-là en Asie. « Oh, maintenant !» dit Madeleine, quand la dépêche de Paris annonçait la venue du capitaine pour la soirée. « Oh, maintenant, nous pourrons disposer des fleurs pour le recevoir. J'en ai assez mis autrefois, en attendant celui qui ne devait jamais venir. Moi-même, j'irai cueillir les fleurs aux sentiers aimés, au chemin que nous avons parcouru ensemble, Jacques et moi. Je veux qu'en les reconnaissant, qu'en devinant d'où elles viennent, Jacques sache que le retour heureux est lié au départ et que dans notre affection, il n'y a pas un jour d'oubli. « Oui, mon enfant, » dit le vieux père d'Almay tout blanc maintenant, comme doit être un bon grand-père, « va cueillir tes fleurs. » Et la mère d'Almay, la voyant s'éloigner, pensait en secouant sa tête sous son bonnet. La fée d'amour qu'on avait oubliée quand disparurent les dieux des forêts aimait les beaux gars du pays. Les beaux gars aimaient la fée d'amour. Mais les beaux gars se mouraient d'aimer la fée, parce qu'ils ne pouvaient saisir celle qu'ils aimaient. Les beaux gars mouraient d'amour pour la fée. Elle marmonna si haut que le père d'Almay l'entendit. « Allons, allons, la mère, » dit le vieillard. « Où vois-tu donc qu'il y ait des fées chez nous? Il n'y a plus que des anges aujourd'hui. Les anges sont au ciel. Parfois, le bon Dieu qui aime les braves gens comme nous et les beaux gars comme notre Jacques envoie un de ses anges sur la terre. Il est descendu un de ses anges au Rabenel. Le voilà, c'est Madeleine. Maintenant, laisse arriver, sans trembler pour lui, notre brave gars. Laisse venir notre beau capitaine. » Le capitaine d'Albert arriva en belle et bonne santé. sur le quai de la gare à Paris, Jacques trouva l'avocat Thirion qui le reçut comme un bon et sincère ami et lui donna l'hospitalité pendant la journée qu'il dut passer dans la capitale pour se mettre en règle avec la place et le ministère de la guerre. Chez maître Thirion, le capitaine, en entrant dans le cabinet de travail de l'avocat, eut un cri de joie. « Ah, Madeleine est venue ici !» L'avocat sourit, mais étonné, il demanda « Comment avez-vous deviné cela ?» Le capitaine désigna dans un joli vase un bouquet de fleurs des champs. « C'est Madeleine qui vous a apporté ces fleurs. » L'avocat, pour plaisanter, répliqua « Et si vous faisiez erreur, cher ami, si je vous disais que ce bouquet me vient d'une autre personne, je ne vous croirais pas, cependant. Et je vais vous prouver que je ne puis me tromper. Voyons. Ce bouquet est déjà fané. Il date de plusieurs jours. Vous ne le remplacez pas. Vous le gardez, par amitié, par fidélité, en attendant que la main qui l'a apporté le change elle-même. C'est exact. Bien. Or, ce bouquet n'a pas été apporté par une femme qui habite Paris. Vraiment. Cette femme n'aurait pas attendu tant de jours pour le renouveler d'abord. Elle n'a pu venir plus tôt. Oui, parce qu'elle demeure loin de Paris, à la campagne, parce que ces fleurs n'ont pas été achetées à Paris, qu'il est impossible de se les procurer chez les marchands de fleurs. Cependant, on trouve des fleurs des champs chez les fleuristes. C'est très à la mode. Sans doute, des fleurs des champs ordinaires. Marguerite, bleuets, coquelicots, fleurs qui rappellent les autres, celles des jardins dont on a l'habitude. Puis ces bouquets sont faits par des faiseurs de bouquets. Ils sont impersonnels, sans caractère, froids, tandis que celui-ci a son type, sa physionomie. Il révèle le goût charmant, artiste, l'âme de celle qui l'a fait. Au surplus, mon cher, je vois là des fleurs, des pousses d'herbe que négligent les autres et qui sont délicieuses, charmantes, présentées ainsi. Je reconnais ces fleurs, et je pourrais presque dire dans quel coin des Ramenelles, dans quel sentier des bois Madeleine les accueillit. L'avocat éclata de rire. Ah, vous êtes donc sorcier, mon cher Jacques. Je viens du pays des fakirs, répondit le capitaine. J'ai eu affaire à des hindous. Ils m'ont appris à observer. Alors l'avocat déclara. Eh bien, mon cher fakir, vous avez deviné. C'est Madeleine, qui chaque fois qu'elle vient à Paris, que nous allons faire des courses ensemble, m'apporte un bouquet de ces fleurs que j'aime beaucoup, fleurs qu'elle cueille dans les endroits chéris où vous alliez autrefois. De sorte qu'en voyant ces fleurs si simples, insignifiantes assurément, pour qui ne saurait pas, je pense à Madeleine, et nous pensons à vous. Ainsi, du premier coup d'œil, Jacques Dalmay, vraiment épris de la jeune femme, ayant le cœur plein d'elle, avait reconnu son passage dans cette pièce. Et le clouteau de Saint-Rion n'avait pu, lui, percevoir la senteur blonde, reconnaître le parfum doré que laissait sur son passage la délicieuse Madeleine. Dans la soirée, Jacques, ayant fini ses courses, prit avec son ami Thirion le train pour Mantes. Le Saint-Cyrien Fernand les accompagnait. À la gare de Mantes, la voiture de Madeleine, car enfin, de ne pas priver les Dalmay de leur charrette de ferme, et pour aller plus vite, Madeleine avait fait venir de Paris une coquette voiture. La voiture, avec le domestique de Madeleine, les attendait à la gare. Charles se trouvait là également. Les deux frères s'étreignirent longuement. « Comment va la mère ?» demanda Jacques. « Et le père ? Ah, quel bonheur de les revoir ! De se retrouver au pays, quel bonheur !» Le capitaine ne voulut pas traverser Mantes sans aller saluer l'excellent président Duranton. Pour la première fois de sa vie peut-être, le magistrat oublia dans sa joie, son émotion, de revoir ce brave garçon qu'il appréciait tant, qu'il estimait ainsi au point. Il oublia qu'il était le solennel et majestueux représentant de la loi. Il fut tout simplement l'homme bon et affectueux. Il ouvrit spontanément les bras et, comme un père, embrassa tendrement le capitaine. Quand Jacques eut salué aussi Madame la Présidente, le Président lui dit « Maintenant, mon ami, sauvez-vous. On vous attend à Ramenelles, et avec quelle impatience. Demain, la Présidente et moi, nous irons voir vos parents. » Le cheval de Madeleine était un bon anglo-normand qui, en peu de temps, franchit la distance séparant Mantes des Ravenelles. Quand on arriva dans le bois de Fontenay, devant le calvaire, Jacques Dalmay porta la main à son képi et salua. « C'est là, » dit-il à maître Thirion, « qu'ont commencé bien des malheurs. »« C'est de là, » répondit l'avocat, « que part aussi bien du bonheur. » Les Dalmay, afin de fêter le retour du fils, n'invitèrent personne dans l'intimité. Ils remirent ces invitations au lendemain. Même le petit cousin de Mantes, ses parents, les amis d'autrefois, durent pour ce soir-là se contenter de dire bonjour au capitaine à la gare, de lui serrer la main en passant. Cette soirée donc appartenait absolument aux Dalmet. Quelle joie, quel bonheur quand la voiture entra dans la cour de la ferme et que Jacques sautait à terre. Le vieux père Dalmet se tenait devant la porte de la maison à côté de la vieille mère. « Mon père !» cria Jacques. « Maman !» Ce furent de longues étreintes. La mère ne finissait pas d'embrasser son fils. « Ah, mon gars, mon pauvre petitot, mon gars !» Et le père, qui pleurait aussi, tout en essuyant ses yeux du revers de la main, disait, en poussant sa femme du coude, « Mais laisse-moi un peu de notre fils, laisse-moi un peu à mon tour !» Et quand le capitaine, se dégageant, fut dans ses bras, « Ah, mon Jacques, mon enfant, mon beau capitaine, c'est bien possible, toi, te voilà, mon garçon, te voilà, mon fils, mon petit !» La vieille mère voulut encore embrasser son petit. « Le père, disait-elle, t'a gardé plus longtemps que moi !» Mais le vieillard lui arracha encore son fils, et il emmena le capitaine dans l'intérieur de la maison où Madeleine attendait. « Oh, il n'eut besoin de rien dire. Jacques, mon ami Jacques !» fit la jeune femme. « Chère Madeleine !»« Oh, Jacques, mon ami, te voilà !» « Tu es revenu enfin, tu es revenu, te voilà, et c'est pour toujours, n'est-ce pas? C'est pour toujours. Tu m'as dit, à ton départ, que ce serait pour toujours. Oh, mon bon Jacques, te revoilà !» Puis, se dégageant de son étreinte, heureuse, joyeuse, comme redevenue enfant, elle l'entraîna par la main. « Bois, Jacques, il y a aujourd'hui des fleurs partout, des fleurs pour toi, pour fêter le bonheur de ton retour, des fleurs pour toi. Te voilà, te voilà !» Alors elle dit, se rapprochant du capitaine, se remettant dans ses bras, cherchant une caresse. « Te revoilà pour toujours. Tu as des fleurs. Et toi, Jacques, mon bon Jacques, toi, tu ne dors pas. Oh non, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. » Et tout à coup, Madeleine poussa un cri et, éclatant sanglots longs, violents, nerveux, redit. « Tu ne dors pas, toi, Jacques, tu ne dors pas. » Le capitaine, inquiet, angoissé, retenait la jeune femme dans ses bras. Elle semblait sur le point de perdre connaissance. « Madeleine ? » disait-il. « Ma chère Madeleine !» Au cri de la jeune femme, tout le monde était accouru. Le docteur Lobel le premier. « Soutenez-la » dit-il à Jacques. « Soutenez-la bien, ne la laissez pas tomber. » Il sortit de sa poche un flacon qu'en prévision d'une crise pareille, il avait apporté et en fit respirer à Madeleine le contenu. La réaction s'opéra aussitôt. Madeleine revint à elle, se ressaisit. « Oh, pardon, Jacques !» dit-elle en essuyant ses yeux. « Pardon, mais j'étais si heureuse !» Sans en avoir l'air, le bon docteur Lobel mit aussi sous le nez de Jacques le flacon magique. Car le capitaine était certainement robuste et vaillant en face d'ennemis à peau jaune ou noire, mais il n'était pas bien solide devant cette frêle femme si blonde et si rose. Et comme Madeleine, il semblait sur le point de tomber en défaillance. Ce qui vraiment eût été d'un effet désastreux pour le prestige d'un héros comme lui. Enfin, on se mit à table, le docteur affirmant que rien ne creusait autant que le bonheur. Madeleine se trouva placée entre Jacques et celui qu'elle appelait son compagnon parisien, l'avocat Thirion. Le dîner fut ce que sont généralement pareils dîners de fête, plein de cordialité, d'affection. Dans la soirée, alors que Jacques racontait une anecdote de pays lointain et que Madeleine, comme ravie, l'écoutait parler, tout à coup les chiens de la ferme se mirent à aboyer fortement. « Qui vient là ? » fit-on avec angoisse. Madeleine devint pâle. « J'ai peur, mon bon Jacques, » dit-elle. « Peur, pourquoi ? Je suis trop heureuse. J'ai peur de payer mon bonheur de ce soir. » On entendit les garçons de la ferme se disputer avec quelqu'un. Cet étranger disait « Dites seulement, monsieur l'avocat, que je veux lui parler. » Maître Thirion entendit. Il se leva, courut à la porte pour voir qui le demandait. On l'entendit bien dire joyeusement « Ah, vous, mon compagnon, vous, mais venez, venez !» « Certainement, on vous fera bon accueil. » Peu après, il reparaissait. « C'est mon client, le père Gervais, » dit-il. « Qu'il entre, » dit le père Dalmet en se levant à son tour. Le paysan se porta au-devant du vieux braconnier. « Mais oui, père Gervais, entre. Nous te ferons bon accueil tous. La mère, madame Madeleine, mes enfants, entre. Il y a ta part, bien qu'on ne t'ait pas attendu. Tu auras ta part de notre festin. » Il lui prit la main et le fit entrer dans la pièce. Le père Gervais, un peu hésitant, timide, tira sa casquette. « Salut, » dit-il, « salut à tous. » Puis il vint à Jacques et dit lentement, « Bonsoir, mon garçon. C'est moi qui t'ai appris, ainsi qu'à ton frère Charles, à placer les collets, à reconnaître le passage du lièvre, à découvrir où gîtent les faisans, les perdreaux. « Je suis content de te voir si grand, si beau, si fort aujourd'hui. Salut, mon capitaine !»« Tu savais donc, père Gervais ?» demanda le vieux paysan, « que mon gars arrivait aujourd'hui ?» Le père Gervais branla la tête. « Je le savais, oui, père Dalmet. » « Qui te l'a dit ?»« Oh, je n'ai pas besoin qu'on me dise rien. Je sais lire dans un livre ouvert pour tous. »« Tiens, demande donc à mon défenseur. Demande au docteur Lobel, quand ils m'ont vu la dernière fois. Ce soir-là, tu fêtais l'épaulette de ton garçon. » « C'est exact, » dirent Thirion et le docteur. « Tu vois, je suis au loin, toujours, et cependant quelque chose me dit de revenir quand il y a du bonheur au pays, chez toi. Mais voilà, puisqu'il y en a ce soir. » Jacques serra la main du braconnier. « Je suis content de vous revoir, père Gervais, » dit-il. « Moi aussi, mon garçon, de te dire bonjour. » Le père Dalmet dit au braconnier. « Tu vas t'asseoir là, père Gervais, on va te servir à manger. » Le vieux secoua la tête. « Non, merci, père Dalmet, je n'ai pas faim. Et je ne suis pas venu troubler la fête, je passais. Ce sont tes chiens qui ont aboyé après moi. Allons, allons, assieds-toi là, pardon. Vous avez voulu rester entre vous pour mieux goûter votre joie dans l'intimité. Tu n'as même pas prié tes parents, tes amis. Tu n'en as pas à retenir un étranger. Vous êtes l'hôte de Dieu, » fit Madeleine. « Ce n'est pas la même chose, vous ne pouvez pas refuser. » Le père Gervais tourna les yeux vers la jeune femme et la regarda longuement. « Madame, je ne vous avais pas encore vue de près. Je n'avais pas vu vos yeux. Je n'avais pas entendu votre voix. Et maintenant, je pourrais dire combien votre cœur est bon, combien votre âme est belle, mais on le sait assez ici. Alors vous ne me refuserez pas ?»« Non, madame, si vous voulez. Je n'ai pas faim, je ne veux rien, mais je boirai bien au bonheur présent et au bonheur à venir. » On lui donna une coupe de champagne. Le braconnier leva son verre. « Père Dalmet, dit-il, à ta maison, au tien, à ceux qui seront tiens, à toi, salut et bonheur. » « À la tienne, père Gervais, à la vôtre, père Gervais. » Le braconnier leva sa coupe et reprit. « Vous ne croyez plus aux sorciers, n'est-ce pas? Et vous connaissez assez le père Gervais pour savoir qu'il ne joue pas ce rôle, que sa grosse canne n'est pas une baguette de coudrier. » Et qu'il ne jette pas de sort. Sans doute, pourquoi dis-tu cela ? Fit le père Dalmet. Le braconnier s'approcha de Jacques et choqua sa coupe à celle du capitaine. Mon garçon, à toi, écoute et retiens bien. Je t'ai montré à reconnaître dans les mares les coins les plus mortels, cependant verts et fleuris à la surface. Je t'ai appris à découvrir sous les herbes le piège à loups caché et les nids de vipères. Rappelle-toi, qu'il est des hommes dont la présence est comme la vase qui engloutit et tue ceux qui l'approchent. Rappelle-toi qu'il est des hommes dont le visage cache une âme plus perfide que le piège à loup, dont le sourire est comme une dent de vipère, plein de venin mortel. Mon garçon, prends garde, oh, prends bien garde. Il vint à Madeleine. Madame, vous connaissez les chemins des bois où sont les belles fleurs. Rappelez-vous qu'en les cueillant pour faire des bouquets, vous vous êtes souvent piqué les doigts, déchiré les mains. Mais le bouquet n'en était que plus joli après. Rappelez-vous que dans le sentier de la vie, les fleurs sont rares, que pour les cueillir, il faut se blesser les doigts. Allez, madame, cueillez. Quand bien même vous auriez quelques blessures encore aux mains, quelques souffrances, le bouquet de votre vie n'en sera que plus beau. Madeleine dit lentement au braconnier, « Merci, mon ami, je me souviendrai de l'oracle. » Le père Gervais vida alors sa coupe. « Monsieur l'avocat, mon compagnon de chasse, voulez-vous me donner un peu de tabac pour ma pipe ?» Chacun lui en donna. Le père Gervais remplit sa bague. Il bourra sa pipe consciencieusement, l'alluma. Puis, avant de sortir, il dit encore. « Rappelez-vous, mes enfants, que le bonheur est le gibier le plus difficile à attraper, qu'il faut être patient, adroit, courageux. Il ne faut pas le brusquer, sous peine de le froisser, de l'abîmer. Il faut le prendre comme un oiseau de paradis dont on ne veut pas gâcher le plumage. L'amorce pour ce gibier-là, le vrai, le seul appât, c'est l'amour. Et la meilleure arme, c'est le regard loyal et confiant, le meilleur lien, les deux bras blancs de la bien-aimée. » Il salua et sortit en lançant une grosse bouffée de fumée. Puis, laissant tout ému ces braves gens dans la tiède intimité de leur bonheur, il s'en alla, lui, cheminant seul, dans la nuit, dans la forêt, sa maison, parmi les arbres, sa famille à lui.